C'est une femme abîmée par de nombreux liftings. C'est celle qui met au trou ton copain, ta frangine. Elle se donne des grands airs, protège la République. Pour les riches, c'est Byzance, pour les pauvres, c'est la trique. La justice, la justice. De garde au compte, garde à vue, elle se charge des exclus. Elle fabrique des coupables qu'elle choisit dans la rue. Un procureur, un juge, un baveux pour demain. On crucifie l'ordre et c'est la peau de chagrin. La justice, la justice. C'est pas la Chine, c'est pas l'URSS, y'a pas que là-bas qu'on assassine. C'est ton pays, la France, qui est une mauvaise copine. C'est la misère et le fric de tous les indigents. C'est les prisons françaises, 10% d'innocents. La justice, la justice. C'est monsieur l'ancien ministre qui est dans les affaires, qui propose sa guerre mais qui ne veut pas la faire. C'est son pote le gangster qui vit à l'étranger. C'est la France en colère qui ne peut l'extrader. La justice, la justice. La police a besoin de coupables, de témoins. Sur ton front, elle a inscrit la mention assassin. Un criminel en France est forcément bronzé. Bien souvent, ça m'emmerde, j'ai honte d'être français. La justice, la justice. Femme abîmée par de nombreux liftings. C'est celle qui met au trou ton copain, ta frangine. Elle se donne des grands airs, protège la République. Pour les riches, c'est Byzance, pour les pauvres, c'est la trique. La justice, la justice, la justice, la justice, la justice, la justice.